Chapitre 29e. Le colonel était vigoureux. Cependant, le poids qu'il portait commença à devenir lourd pour lui. La terre était glissante, et il avait peine à détacher ses pieds de la glaise dans laquelle ils enfonçaient. Mais ce qui surtout le gênait, c'était la façon dont Michel se tenait. Il est assez facile de porter un homme sur son dos, et tous ceux qui ont gardé souvenir des jeux de leur enfance savent qu'on peut marcher longtemps avec un pareil fardeau. Mais c'est à une condition, qui est que celui qui se fait porter veuille bien céder des bras et des jambes. Des bras, en pesant également sur les épaules et la poitrine, des jambes, en serrant sa monture au-dessus des hanches. Or, ce n'était pas là ce que faisait Michel. Il embrassait bien le colonel avec ses bras, mais il ne le serrait pas avec ses jambes. « Je vous étouffe, » dit Michel, « un peu. Mais ne pourriez-vous pas me serrer avec les jambes ?»« Cela m'est impossible. » « Je puis me servir d'une jambe, mais non de l'autre. Sans doute elle est cassée. Souffrez-vous ? Beaucoup. Laissez-moi glisser à terre, je vous prie. Je vous porterai bien. Permettez-moi de respirer un peu seulement. » Michel, desserrant les bras, avait glissé à terre, se tenant sur sa jambe solide. Il pria le colonel de lui tendre la main, et avec son aide, il s'étendit sur la terre. « Envoyez-moi des brancardiers, » dit-il, « ils me trouveront là. » Le colonel voulut insister, mais Michel déclara qu'il ne se laisserait pas porter plus loin. Ses souffrances, lorsqu'il était ainsi ballotté, étaient intolérables. « Et si les Prussiens avancent ?» dit le colonel. Michel se souleva sur le coude et regardant du côté des coteaux. « Ils ne se montrent pas, » dit-il, « et d'ailleurs, vous ne me laisserez pas là assez longtemps pour qu'ils m'emportent. » Leurs regards se croisèrent et le colonel comprit ce qu'il y avait sous ses paroles. « Non, certes, » dit-il, et sans ajouter un mot, il se mit à courir vers les lignes françaises. Avant d'arriver, il vit des hommes venir au-devant de lui. Avec eux, il retourna vers Michel et ils purent le rapporter. La fusillade redoublait d'intensité sur la gauche, mais le pli de terrain dans lequel ils étaient ne se trouvait point exposé à son feu. Il fallait trouver une voiture d'ambulance pour emporter Michel à Paris. Au moment où l'on déposait Michel sur une banquette, Antoine arriva. Ce fut un soulagement pour le colonel, qui était très inquiet de son oncle, dont il était séparé depuis plusieurs heures. Pendant cette recherche de la voiture, la nuit était venue et elle avait éteint le feu qui peu à peu avait cessé. « Je vais accompagner Michel à Paris, » dit le colonel à son oncle. « Venez-vous avec moi ?»« Non, la bataille reprendra demain. »« Eh bien, demain, avant le jour, je serai là. » Et il monta à côté du cocher. La nuit était sombre. Tout le champ de bataille était enveloppé dans une épaisse obscurité que trouvaient seulement quelques feux de bivac qui éclataient çà et là. Le silence avait succédé à la canonnade et à la fumée. Le mont Valérien se taisait, et sur la route, on n'entendait que le roulement des voitures qui se dirigeaient vers Paris. Il était tard lorsqu'ils arrivèrent devant la porte de la rue de Courcelles. Cependant, cette porte était grande ouverte, et la cour était éclairée par deux lampes qui donnaient une clarté suffisante pour qu'on pût se diriger. La voiture vint se ranger devant le perron. À ce moment, Thérèse, attirée sans doute par le roulement de la voiture, parut dans le vestibule. Vivement, le colonel sauta bas de son siège et courut à elle. Enfin, l'apercevant, elle poussa un cri étouffé et s'arrêta. « Michel blessé. Légèrement, dit-il, votre père, sain et sauf. » On s'était empressé autour de la voiture pour descendre Michel étendu. Il se souleva sur son coude. « Ce n'est rien, » dit-il en tendant sa main qui était libre à Thérèse. Puis, comme elle s'était approchée de lui, il ajouta à mi-voix, « C'est vous qui allez me soigner. » Et son visage, que la douleur avait contracté, s'illumina d'un sourire. Cependant, le colonel s'était informé pour savoir dans quelle tente on pouvait installer le blessé, et il avait donné des ordres pour qu'on le transporte avec précaution. Cela fut vite fait, et le chirurgien arriva aussitôt. Denisot et Sorieul étaient aussi entrés dans la tente, celui-ci en poussant des exclamations appropriées à la circonstance, Denisot les larmes aux yeux. Le moment était venu d'examiner la blessure. Thérèse sortit de la tente. Le colonel se demanda ce qu'il devait faire. S'il sortait, Michel ne croirait pas qu'il voulait rejoindre Thérèse. S'il restait, ne croirait-il pas que c'était pour savoir quelle était la gravité de la blessure? Les infirmiers s'occupaient de déshabiller le blessé. « Docteur, » dit Michel, « je dois vous prévenir avant tout que je veux garder ma jambe. Vous ne savez pas quelle est votre blessure. » Pendant que ces paroles s'échangeaient, la jambe avait été mise à nu et les infirmiers s'étaient empressés de laver le sang autour de la blessure. Le chirurgien put alors l'examiner. « Eh bien ?» demanda Michel. « Il y a fracture de l'os. »« Et votre avis ?» demanda Michel sans écouter. « Mon avis est que l'amputation est nécessaire et qu'elle doit être faite. Et si elle ne se fait pas, puis-je guérir ? Mais ai-je une chance, si faible qu'elle soit, une seule ?» Sauriol voulut intervenir. Denisot aussi s'approcha. Quant au chirurgien, il paraissait irrité par cette obstination d'un blessé qui se plaçait au-dessus des lois de la chirurgie. Pour le colonel, se tenant à l'extrémité de la tente, il ne disait rien, car il comprenait très bien la pensée qui inspirait cette obstination. Si on lui coupait la jambe, Michel ne pourrait plus être le mari de Thérèse, et en présence de ce danger, il jouait sa vie pour garder sa jambe. La vie sans Thérèse, il n'en voulait pas. « Je vois, dit Michel, que mon obstination vous étonne tous. Cependant, c'est bien simple, j'aime mieux mourir que de me laisser couper la jambe. Si vous pouvez me guérir, je suis prêt à endurer sans me plaindre tout ce qu'il faudra souffrir. Si vous ne pouvez pas me guérir, laissez-moi mourir. « Mais commandant, dit le chirurgien, qui ne comprenait rien de cette défense désespérée, la souffrance d'une amputation. Ce n'est pas la souffrance que je crains. Je veux ma jambe, j'ai bien le droit de la défendre, il me semble. Votre responsabilité est dégagée. » Le colonel s'avança. « Ne serait-il pas possible de procéder à un pansement provisoire » dit-il. « Qu'on me pense, qu'on me fasse tout ce qu'on voudra, » dit Michel, « mais qu'on ne me coupe pas la jambe. » Le colonel attira le chirurgien en dehors de la tente. Thérèse était là, debout, dans le jardin, attendant pour savoir. « Eh bien ? » s'écria-t-elle en étouffant sa voix. « Quelle blessure ! Il faut lui couper la jambe, mais il s'y oppose. « Il est fou !» dit le chirurgien. « La bataille et la fièvre l'ont exalté. » « Peut-être y a-t-il exaltation, » dit le colonel, « mais de sang-froid, il persisterait dans sa résolution. Une seule personne pourrait le faire changer. »« Faut-il que j'essaie ?» demanda Thérèse. « Il s'agit de sa vie, » dit le chirurgien. « J'y vais, » s'écria Thérèse. Mais comme elle faisait un pas pour entrer dans la tente, le colonel la retint par le bras. « Ma chère cousine, un mot, une question. Croyez-vous que je veuille sauver Michel ?»« Comment, si je le crois ? Le croyez-vous ? Mais oui, assurément. » « Eh bien, ne faites pas auprès de lui la tentative que vous voulez. Peut-être ne comprendra-t-il pas le sentiment qui vous inspire. Mais, mon cousin, c'est moi qui ne vous comprends pas. » Le chirurgien comprenait encore bien moins toutes ces paroles obscures, et ses regards allaient du colonel à Thérèse et de Thérèse au colonel. Assurément, il y avait dans tout cela un mystère, lequel il n'avait pas à le chercher. « Michel est désespéré de sa blessure, » continua le colonel. Et j'oserais presque dire qu'il est encore plus malade moralement que physiquement. Ayons donc grand soin de ne faire rien qui puisse aggraver cet état moral. Voilà pourquoi je crois que vous ne devez pas lui demander de consentir à cette amputation. En disant tout à l'heure qu'une seule personne pourrait le décider à cette amputation, j'allais ajouter que par malheur, cette démarche était impossible. Vous m'avez interrompu. Mais alors, que faire ? S'écria Thérèse. Est-il donc condamné à mort ? Demanda le colonel, si vous ne lui coupez pas la jambe. Condamné, fatalement condamné, non. Mais enfin, l'amputation est indiquée, il devrait être faite. Mais ce n'est pas à dire qu'il ne puisse pas guérir. Il est jeune, vigoureux, sain, tout est possible. Seulement, les probabilités, je dois le dire, ne sont pas pour la guérison. Il va courir des risques très graves, et cette amputation que nous ne ferons pas aujourd'hui, il faudra la faire sans doute dans quelque temps. Oh, dans quelque temps, dit le colonel, les circonstances ne seront plus ce qu'elles sont aujourd'hui, et alors il acceptera peut-être cette amputation. Il est bien certain, dit le chirurgien, que nous ne pouvons pas l'exécuter comme un condamné. Et il rentra dans la tente, tandis que le colonel et Thérèse restèrent dans l'allée. Pendant quelques secondes, ils gardèrent l'un et l'autre un silence gênant. Puis Thérèse demanda comment Michel avait été blessé. Alors le colonel lui fit le récit de la lutte qu'ils avaient soutenue, mais en arrangeant les choses et sans rapporter les paroles de Michel. De même, il tue aussi le coup de revolver. « Et vous l'avez porté ? » s'écria-t-elle. « C'est vous qui l'avez sauvé ?» Elle prononça ces quelques mots avec un accent qui frappa le colonel. Il lui sembla que s'il y avait de l'admiration dans cet accent, il y avait aussi de la surprise. « Voulez-vous voir si je puis entrer dans la tente ? » dit-elle. Et quelques instants après, il vint la chercher pour l'amener auprès du blessé. Alors tous ceux qui n'étaient pas utiles dans la tente sortirent. Michel et Thérèse restèrent seuls. n'ayant avec eux qu'un infirmier qui allait çà et là remettant toutes choses en ordre. Il la prit par la main et la tira près de lui de manière à pouvoir lui parler à l'oreille sans craindre d'être entendu. « Vous étiez dans l'allée tout à l'heure quand le chirurgien et le colonel sont sortis ?» demanda-t-il. « Oui, j'attendais pour savoir ce qu'on pensait de votre blessure. » « Et le chirurgien vous a dit, n'est-ce pas, qu'il fallait me couper la jambe ?»« Mais oui. » »« Et il vous a dit aussi que si je ne consentais pas à cette amputation, je ne devais pas guérir ?» Il a dit... Elle hésita, n'osant répéter les paroles du chirurgien et ne voulant pas non plus les altérer. « Je vous en prie, » dit Michel en insistant du regard et de la main. Il a dit que les probabilités n'étaient pas pour la guérison, mais que cependant, comme vous étiez jeune et vigoureux, la guérison était possible. « Ah, il a dit cela !» s'écria Michel. « Il a dit cela !» Et doucement, il pressa la main de Thérèse, puis, revenant à ses questions, « Et c'est le colonel, n'est-ce pas, qui a décidé le chirurgien à ne pas me couper la jambe ?»« Le colonel a dit qu'il ne fallait rien faire qui pût aggraver votre état moral. »« C'est bien cela. Et il a parlé pour qu'on ne me coupe pas la jambe. C'était ce que je voulais savoir. » Thérèse le regarda un moment sans comprendre, puis tout à coup en joignit les mains. « Oh, Michel, dit-elle, n'est-ce pas lui qui vous a sauvé ? Et cela est héroïque, n'est-ce pas ? Mais il y a des héros qui savent très bien calculer. » Elle ne répondit rien, mais doucement elle retira sa main, et pendant quelques minutes ils restèrent sans parler. « Voulez-vous donc me laisser seul ? Dit-il. « Non, mon intention est de rester près de vous jusqu'à ce que vous dormiez, et si je ne dors pas, j'attendrai. Est-ce que le colonel reste ici ? Je ne crois pas. » Et j'ai entendu tout à l'heure donner des ordres pour qu'on selle deux chevaux. » Ces paroles parurent calmer Michel. Pendant ce temps, le colonel, accompagné du chirurgien et de Soriol, visitait les tentes de l'ambulance qu'il voyait pour la première fois, car lorsqu'il était parti, le service n'était pas complètement organisé. Il n'avait pas encore reçu de blessés. « Eh bien, dit Soriol, êtes-vous content, mon ami ? Trouvez-vous que j'ai bien organisé tout cela ?» Mais peu sensible aux éloges que Soriol se décernait, le colonel écoutait ceux que le chirurgien décernait à Thérèse. « Certainement, disait Soriol, elle s'est très bien pénétrée de notre esprit. Vous savez, l'impulsion première, tout est là. Aussi, cette impulsion donnée, j'ai pu me relâcher dans mon activité ici et l'employer ailleurs. Vous avez assurément entendu parler de mon influence dans les clubs. Je crois que j'ai rendu quelques services à l'hygiène de l'esprit public, soutenir les cœurs. Élever les âmes, c'était une belle tâche à remplir. » Sa visite terminée, le colonel voulut monter dans son appartement, ayant encore quelques instants à lui avant de partir. Au moment où, arrivant au haut de l'escalier, il allait entrer dans le vestibule qui précède cet appartement, il aperçut Denisot qui semblait se promener là, en long et en large, d'un air triste et inquiet. Le colonel ne se demanda pas ce que signifiaient cette tristesse et cette inquiétude. Elles étaient bien naturelles chez un ami de Michel. Comme il allait entrer dans le vestibule, Denisot l'arrêta. « J'aurais un mot à vous dire. »« Eh bien, entrons. »« Non, avant d'entrer, si vous voulez bien. »« Mais, mon brave Denisot, je veux tout ce que vous voulez. »« Voilà ce que c'est. »« Je ne vous ai pas dit, n'est-ce pas, que j'ai amené pistolet avec moi. »« Votre Pierrot ?»« Oui, mon Pierrot. »« J'ai laissé les deux autres à un ami. »« Mes pistolets, je l'ai amené ici parce que je ne pouvais pas m'en séparer. » Mais quand je m'en allais à la Varenne, j'en étais assez embarrassé, parce que j'avais peur pour lui, rapport à des inimitiés qu'il s'est attirées dans l'hôtel, et puis rapport aussi à ce qu'il se serait peut-être sauvé pour rejoindre ses camarades. Alors j'ai eu l'idée de le mettre, quand je partais, dans la volière du vestibule où il y avait des oiseaux des îles. Le colonel avait complètement oublié qu'il eut une volière dans le vestibule. C'était celle qu'Ida, au moment de quitter Paris, avait fait apporter chez lui. Bon. Je mets donc pistolet dans la volière et je pars. Mais à mon retour, qu'est-ce que je trouve ? Denisot leva son bras au ciel et baissa la tête. Eh bien, ce méchant pistolet avait tué tous les oiseaux des îles, et lui-même était à moitié mort. Une bataille terrible. Pistolet a guéri et s'est emplumé, mais je n'ai pas pu ressusciter les oiseaux des îles. Voilà le malheur que je vous avais toujours caché, mais que je dois vous avouer, au moment où vous allez rentrer chez vous. Excusez-moi. Le colonel se mit à sourire. « Si vous saviez ce que Pistolet a fait, dit-il, vous seriez moins désolé, mon pauvre Denisot. Ces oiseaux des îles étaient des Prussiens, ou plus justement ils appartenaient à une jeune Allemande qui me les avait confiés. »« Pistolet a battu les Prussiens ? » s'écria Denisot en sautant. « C'est très beau sans doute, mais cependant je suis fâché de cette victoire. J'aurais voulu rendre ces oiseaux à leur maîtresse. Si l'on vous tuait, Pistolet, ne seriez-vous pas peiné ?»« Oh, une Allemande !» dit Denisot. Et il grimpa l'escalier pour aller embrasser son héros.